J'aime Hélène. Ses yeux rient même quand elle a de la peine. Je m'inquiète pour elle. Elle n'aime pas, d'ailleurs elle va très bien dans sa chambre d'hôpital. Elle chante comme une cigale, ça sent l'été et la crème solaire. J'ai bronzé sous sa logorée. J'aime Hélène. Comme elle dort bien plus qu'elle ne possède. Elle n'a jamais pensé à elle. Et je m'inquiète, mais elle va très bien dans sa chambre d'hôpital. Elle chante comme une cigale, ça sent l'été et la crème solaire. J'aime bronzer sous sa Hélène, sans barrière, sans frontière à l'infini. Car Hélène, Hélène est belle. Peut-être l'ignore-t-elle, pourtant ça crève les yeux dans sa chambre d'hôpital. Elle chante comme une cigarette.